Kugira. Mais tout ça, Mitebouti assure la mise en onde. Merci, amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée, dont voici d'abord l'essentiel. Nous sommes le 20 octobre 2020, à la veille de la commémoration du 27e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye et ses collaborateurs, suivi des tueries de plusieurs Burundais. La commémoration qui coïncide avec la condamnation par la Cour suprême de près de 20 personnes accusées d'avoir ôté la vie à ce héros de la démocratie. Vous l'entendrez. Les usagers de la route nationale numéro 7 demandent qu'elle soit réhabilitée. Au niveau de la direction en charge des routes, l'on rassure que d'ici peu, l'on va passer à l'attribution des marchés après les études techniques. En Ngozi, l'on rapporte des familles et des personnes enterrées au cimetière d'Oviégua qui demandent une assistance dans le déterrement des restes pour être inhumés dignement. C'est après que l'administration communale ait annoncé que cet espace sera utilisé pour des travaux d'intérêt public. Et dans la chronique santé, on va revenir sur les malformations congénitales. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour, je vous disais que à la veille de la commémoration du 27e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye et ses collaborateurs, la servitude pénale à perpétuité ainsi que le paiement d'un dédommagement de plus de 102 milliards de francs burundais. Telle est la condamnation par la Cour suprême prononcée contre 19 personnes accusées notamment d'attentats contre le chef de l'État Melchior Ndadaye, d'attentats contre l'autorité de l'État et d'attentats tendant à porter le massacre et dévastation. Trois autres personnes ont été condamnées à 20 ans de servitude pénale pour complicité de ces infractions. Oban Niyonguru pour plus de détails. Ces condamnations ont été prononcées par la Cour suprême ce lundi 19 octobre. Le premier groupe des 19 condamnés a été accusé d'attentat contre le chef de l'État, d'attentat contre l'autorité de l'État et d'attentat tendant à porter le massacre et dévastation. Les 19 ont été condamnés à une peine de servitude pénale à perpétuité ainsi que le paiement in solidum du dédommagement matériel et moral équivalent à plus de 102 milliards de francs burundais. Dans ce groupe, il y a l'ancien président de la République, Pierre Buyoya, Alphonse Marie Kadege, ancien vice-président de la République, Luc Lukingama, ancien porte-parole du gouvernement, ainsi que d'autres anciennes hautes autorités du pays, que ce soit dans l'administration ou dans les forces de l'ordre. Le deuxième groupe est constitué de personnes accusées de complicité des infractions susmentionnées. Il s'agit de Bernard Wissokoza, ancien premier vice-président de la République, Alphonse Mouchkouaboulé et Vincent Niungeko. La Cour suprême n'a retenu aucune charge contre l'ancien premier ministre Antoine Ndouaye. Merci, Oban Niyonguru. L'Association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits à vote demande au gouvernement la reconnaissance et l'assistance des victimes des différentes crises qu'a connues le Burundi dans une déclaration de ce mardi. À la veille de la commémoration de l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaye, 27 ans après, la présidente de cette association, Adela Hishakiye, espère avoir une vérité via la commission Vérité et Réconciliation Sévère dans ses enquêtes sur le passé douloureux du Burundi. Suivez-la et ses propos ont été recueillis par Vestine Boutouille. Personne n'ignore qu'en date du 21 octobre 1993, Son Excellence Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu, fut sauvagement assassiné avec ses proches collaborateurs. Après ce forfait, des milliers de citoyens burundais, victimes de l'intolérance politique et ethnique, ont subi le même sort. Ces ignobles assassinats ont rappelé au peuple burundais ce qui a eu lieu avant et après cette date, pour ces causes non encore identifiées, dont la population burundaise et surtout la vôtre attendent de la sévère. Cette année, la vôtre a choisi comme thème « Ensemble pour la vérité » la justice et la réconciliation pour asseoir la paix et le développement durable. Cette commémoration coïncide avec une étape très importante de la CVR dont nous sommes très reconnaissants, l'exhumation des ossements des citoyens burundais assassinés sauvagement lors des différents événements qui ont eu lieu depuis l'indépendance du Burundi. La VOD espère que ces exhumations auront lieu dans tout le pays. La VOD salue la reconnaissance par l'État du Burundi des mérites des illustres disparus, notamment l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura et d'autres. La VOD souhaiterait la multiplication de ces initiatives. La VOD demande aussi l'État une considération effective aux ayants droit des différents disparus. La VOD salue les banques que l'État vient d'ouvrir en faveur des agriculteurs, des jeunes et des femmes. Elle souhaiterait qu'un geste similaire soit créé en faveur des orphelins des événements tragiques qui ont eu lieu en guise de réparation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h03 dans les cieux de la radio Isanganiro que vous pouvez suivre via le www.isanganiro.org. Commerce à présent. Les anciens commerçants du marché de Kamenge ayant récemment pris le feu qui opère aux alentours et dans les rues déplorent leurs conditions de travail. Ces derniers indiquent que leurs marchandises sont endommagées par le soleil et la pluie. Ils demandent à cet effet la reconstruction de cet établissement commercial. Reportage souligné. Jean-Marie Mayong. Ces commerçants exerçant pour le moment leurs activités de commerce le long de l'avenue pavée séparant la zone Kamenge et zone Chibitoke ainsi que la 7e avenue de la zone Kamenge quartier Songa disent qu'ils travaillent dans des conditions déplorables. Arrivant à cet endroit, des marchandises sont étalées les unes sur les étagères et d'autres par terre. Ces commerçants déplorent les conditions et disent qu'ils ne trouvent pas où ils peuvent aller pour continuer leur commerce. Ces commerçants signalent également que les jours de fête de fin d'année et de Noël approche, ils ne savent pas comment ils vont travailler pour gagner assez de l'argent et faire vivre leur famille. Exercer le commerce dans la rue et en plein air ne leur avantage pas, disent-ils. En cette période pluvieuse, ils disent que leurs marchandises sont endommagées par la pluie et le soleil, et surtout les marchandises qui sont beaucoup plus endommagées sont les vivres. Ils demandent aux autorités de tout faire pour la reconstruction de leur marché. Le marché de Kamenge a pris feu le matin du 3 octobre et différentes autorités y sont rendues pour constater les dégâts. Merci Jean-Marie Mayonga. Les anciens lauréats de l'Institut national de la santé INSP réclament leur diplôme entériné. Ils disent que 5 promotions viennent de terminer leurs études sans avoir accès au diplôme universitaire, ce qui, selon eux, réduit leurs chances au travail ou à continuer leur cursus académique. La commission chargée de l'entérinement des diplômes reconnaît ce retard, toutefois tranquillise qu'en collaboration avec l'INSP, ces anciens lauréats pourront en avoir très prochainement. Ezekiel Ndekumwenayu. Vous voyez combien le chômage est élevé, les emplois du privé ou bien les projets. C'est l'un des anciens lauréats de l'Institut national de la santé publique, INSP, qui dit que 5 ans viennent d'écouler sans avoir accès à leurs diplômes universitaires. Pour lui, c'est une grande perte. Vous voyez combien le chômage est élevé, les emplois du privé ou bien les projets ou les organismes internationaux n'acceptent pas l'attestation ténalier de diplôme. Ils exigent automatiquement un diplôme complet et entériné. Autre chose que je peux signaler, on a besoin aussi d'avoir les niveaux spécialisés comme les masters. Et nous sommes bloqués parce que la majorité des universités qui organisent les masters exigent un diplôme complet déjà entériné. Nous sommes tellement bloqués pour pouvoir continuer ces études en nous exigeant de déposer le dossier complet, y compris le diplôme déjà entériné. Il demande aux autorités de l'INSP de prendre cette question en main en collaboration avec la commission chargée d'entraînement afin de trouver solution répond à cette question. Nous avons besoin tellement de ce diplôme entériné. La période est assez longue. Nous demandons au ministre de pouvoir pousser cette commission et chercher une autre stratégie, de pouvoir au moins réaliser cet acte pour les universités qui ont déjà appelé la commission et pouvoir achever le processus. Pour le directeur chargé de la formation en sein de l'Institut national de la santé publique, INSP, la direction académique et la direction générale de cet institut ont fait ce qu'ils devraient faire. C'est vraiment un droit d'avoir le diplôme après avoir fourni tant d'efforts. Le diplôme a été signé par la direction générale. Le diplôme a été signé par la direction académique. Notre part est déjà bien fait. On invite alors la Commission nationale d'entraînement de diplômes de faire de son mieux pour pouvoir nous donner le droit de distribuer les diplômes acquis de droit. De toutes ces questions, Anastasie Gassogo, présidente de la commission chargée d'entraînement de diplômes, dit que la commission est très préoccupée par cette question, mais demande à l'Institut ainsi que d'autres universités de mettre en exécution tout ce qui se recommande. À l'INSP, on est allé entériner pas mal de diplômes qui sont déjà entérinés aujourd'hui. Ce qui reste, c'est le remplissage des registres d'entérinement pour pouvoir donner les numéros d'entérinement aux diplômes entérinés. Et puis, il faut remplir les diplômes entérinés dans l'espace qui revient à la commission. Et après cela, on va les signer. Donc, ce qui a manqué peut-être, c'est la communication. S'ils ont rempli les registres, il faut qu'ils nous disent que ça a été fait. Si les diplômes ont été remplis, il faut qu'ils nous disent que ça a été fait pour qu'on programme une séance de signature de ces diplômes. Anastasie Gassogo demande aussi aux universités privées et publiques d'organiser des séances de formation à l'intention de leur personnel pour mieux vaquer à cette activité d'internement des diplômes. Merci Ezekiel Nikoumenayo. Je vous l'avais dit en titre, des familles ayant enterré les leurs au cimetière de Viegua, Cisara Colline et Kinyana, commune Ngozi, demandent l'intervention des bienfaiteurs pour exhumer les restes humains des leurs en vue de, de les enterrer dignement. Ces familles expliquent en être incapables sans soutien. C'est après l'appel lancé par la commune Ngozi et l'Office burundais de l'habitat qui antenne Ngozi de déterrer ses restes en déant et moi. L'administrateur de la commune Ngozi indique que cet espace est réservé à la construction d'une ligne électrique reliant les pays de la sous-région Apollinaire Mutsakar. Dans un communiqué sorti par l'administrateur de la commune Ngozi, Joseph Martin Buchumi demande aux familles qui ont enterré les leurs dans ce cimetière de Vieigua vers les années 1980 et qui en sont aptes de les exhumer et de les enterrer dignement dans un autre cimetière à côté, toujours fonctionnel. La raison est que dans cette partie de 103 mètres sur 100, il sera érigé une ligne électrique reliant les pays de cette sous-région. D'après ce communique, et vu l'urgence de ces activités, toujours selon l'administrateur de la commune Ngozi, ces familles n'ont qu'un seul mois pour le faire, et cela à partir du 8 octobre 2002. Aux familles incapables de déterrer ces restes et de les exhumer et de les inhumer dignement, le gouvernement le fera à leur place, tout en respectant la loi, toujours d'après ce communiqué sorti par Joseph Martin Buchumi, de commun accord avec le représentant nord de l'Office burundais de l'habitat. Certaines des familles rencontrées demandent la main des bienfaiteurs en apportant une aide technique et financière. Ces ménages affirment qu'ils ne sont pas aptes à le faire seuls. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire Mozagara. Avant de passer à la chronique santé, une information qui vient de nous parvenir. Les ministres en charge des relations extérieures au Burundi et au Rwanda viennent de s'engager à poursuivre les contacts afin de normaliser les relations entre les deux pays voisins. Dans un communiqué conjoint à l'occasion de la visite au Rwanda du ministre Albert Shingiro en charge des relations extérieures au Burundi, il a invité son homologue du Rwanda, Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda, à lui aussi effectuer une visite de réciprocité au Burundi. Et l'invitation a été acceptée à une date à convenir entre les parties par voie diplomatique, selon toujours ce communiqué. Tout de suite, page Chronique Santé, au rendez-vous. Radio Isanganiro, Chronique Santé. Dans la chronique santé de ce mardi, nous allons revenir sur les malformations congénitales avec le gynécologue de Gracias Nukamadzina. Ces malformations présentes à la naissance, peuvent donner un handicap majeur à l'individu Ornella Mocho. Les malformations sont diverses et de gravité très variable. Selon le gynécologue de Gracias Nukamadzina, une malformation congénitale résulte d'une anomalie de l'empreinte parentale. Il y a des malformations congénitales. Les causes congénitales sont liées donc à un problème, à une aberration chromosomique ou à un problème génétique. Ce sont les gamètes, que ce soit femmes et mâles, qui sont rencontrés, qui présentent des problèmes génétiques. Et l'enfant va naître avec des malformations constitutionnelles. Les causes liées à l'environnement peuvent être d'origine maternelle, comme les pathologies maternelles, ou extérieures à la mère, comme une agression qui survient au cours de l'embryogenèse, selon ce spécialiste, et pourra, selon sa gravité, entraîner des malformations. Et d'autres malformations qui sont liées à l'environnement. À l'environnement, première famille, ce sont les infections maternelles ou placentaires. On cite normalement ce qu'on appelle la rubéole, la toxoplasmose, la syphilis, le microvirus, il y a toute une gamme d'infections, surtout virales et même parasitaires, qui peuvent induire une malformation chez l'enfant. Lorsqu'il est possible, le traitement est le plus souvent chirurgical, mais aussi les médecins peuvent proposer l'interruption de la grossesse. Je dirais par exemple, la femme est suivie, elle a fait l'écho, on a trouvé que son enfant n'a pas de cerveau. Ça existe. Là, tu ne peux pas soigner. Mais si on fait l'échographie, qu'on trouve qu'il a ce qu'on appelle spina bifida, là, c'est curable, on peut soigner. Il y a des anomalies au niveau de la paroi abdominale. Quelquefois, on peut soigner, on peut opérer, on peut rapprocher. Et d'autres qu'on ne peut pas soigner. Ce qu'il peut faire, comme ces grandes familles de malformations d'origine constitutionnelle, de malformations d'origine environnementale, c'est qu'il peut éviter ces causes environnementales. De ne pas prendre ces médicaments, de faire ceci, ça c'est faisable. D'épicer, s'il y a une toxoplasmose, c'est une autre infection. Donc, à risque de malformation. Tout ça, ça peut se soigner, elle peut éviter ça. Mais les autres d'origine génétique et constitutionnelle, peut éviter peut-être. Ailleurs, quand on fait les examens prénuptiaux, qu'on examine la femme et le monsieur disant, voilà, monsieur ou madame, vous présentez une tare qui peut induire une malformation au cours de la grossesse. Là, c'est possible, mais ce n'est pas faisable partout. L'important est de faire tous les examens exigé chez les femmes enceintes afin de détecter précocement les anomalies. Il ajoute également que le diagnostic prénatal permet d'identifier tôt durant la grossesse un certain nombre d'anomalies fœtales ou maladies génétiques. Merci, Ornella Mocho. Revenons sur l'élément rapport avec la route RN7 ou les activités de cette route vont de mal en pis selon les usagers de cette infrastructure routière suite à son effondrement au quartier Kamissa de la zone urbaine de Moussaga. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters demandent que cette infrastructure publique soit réhabilitée dans les meilleurs délais. Le directeur de l'agence des routes fait savoir que bientôt l'on va procéder à la passation du marché, expliquant que les études techniques sont terminées. Les détails avec Raïssa Liliane Namahoro. Arrivé à la route nationale numéro 7, plus précisément dans le quartier Kamissa de la zone urbaine Moussaaga, on est accueilli par un ravin profond dû à un effondrement de cette route. Le constat est que cette route sera bientôt impraticable du fait qu'il reste environ 2 mètres pour qu'il soit totalement effondré. Les usagers de cette route qui se sont exprimés sur nos micros, notamment les transporteurs de charbon, précisent qu'ils travaillent à perte à cause de cette coupure. Les habitants de ces environ affirment qu'ils évacuent difficilement les patients vers les hôpitaux lorsqu'ils observent des malades dans leur ménage. Ces personnes ajoutent que cette situation provoque des fois des morts, tout en demandant aux instances habilitées de réhabiliter cette route. À ces inquiétudes, Emile Ndaïsaba, directeur général de l'agence des routes, indique que les études de réhabiliter cette route sont terminées. Il fait savoir qu'après la validation de ces études, ils vont procéder dans le processus de l'attribution du marché de la réhabilitation de cette route d'intérêt public. Merci, Raïssa Liliane Inamaholo. Ainsi s'achève cette édition. Mais avant de clore cette édition, je voulais juste vous rappeler que le ministre en charge des relations extérieures au Burundi et au Rwanda vient de s'engager à poursuivre les contacts afin de normaliser les relations entre les deux pays voisins. Et dans un communiqué conjoint à l'occasion de la visite au Rwanda du ministre Albert Shingiro en charge des relations extérieures, le ministre rwandais en charge des affaires étrangères au Rwanda a été invité à lui aussi effectuer une visite de réciprocité au Burundi, une invitation acceptée qui sera convenue par les voies diplomatiques. Et je vous avais dit que nous sommes le 20 octobre 2020, à la veille de la commémoration du 27e anniversaire de l'assassinat du président Mikironda Daye, la commémoration qui coïncide avec la condamnation par la Cour suprême de près de 20 personnes accusées d'avoir ôté la vie à ce héros de la démocratie. Et bien voilà, c'est point final à cette édition de la mi-journée. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je dis également merci à Emer Toussaint Mitebouti qui l'a mise en onde. Eli Nibel Nibigira, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.